Chapitre 2e, le pacte. En face de la tour où se passait la scène que nous venons de tracer, et à l'extrémité opposée d'une cour oblongue, se trouvait une vaste galerie, pratiquée entre l'appartement de la duchesse-mère et celui du duc régnant. Au premier abord, cette galerie eût paru déserte aussi bien qu'obscure. Deux personnages, un vieillard et une jeune fille, y étaient pourtant assis, et depuis le commencement du festin, leur regard immobile demeurait inexorablement fixé sur la tour, absorbé dans une muette contemplation. Soudain, la jeune fille tressaillit, se dirigea avec précaution vers le balcon de pierre et prêta l'oreille, puis, revenant précipitamment vers le vieillard. « Un serment affreux, mon père, un serment digne de cette orgie. Ils viennent de jurer la mort de Jacques. » « La mort de leur frère ? » répéta Pierre, atterré. « Sa mort, quand la cendre du père est à peine froide sous le tombeau. Diane, j'empêcherai ce crime, ou je mourrai. Dites que nous l'empêcherons, » reprit Diane avec enthousiasme, « car je m'associerai à vous dans cette œuvre sainte, dont il nous sera tenu compte là-haut. Pauvre enfant, tu es jeune, tu es heureuse. Ne te mêle pas à cette vie agitée, à ces intrigues ténébreuses, à ce drame sanglant. Laisse-nous faire, nous qui n'avons plus de bonheur à espérer, et dont l'existence vaut si peu. Je suivrai peut-être votre conseil, mon père, si Dieu lui-même ne me le défendait. J'ai fait un seul vœu dans ma vie, et l'heure est venue de l'accomplir. Explique-toi. » Diane parut regretter que ses paroles eussent rendu nécessaire la révélation d'un secret qu'elle avait longtemps caché, mais son père l'interrogeait, elle se décida à parler. Depuis 2 ans que l'amitié de la duchesse-mère m'avait fait une si belle place en ce palais, le prince Jean me poursuivait de ses assiduités. C'était une persécution de tous les jours, sans trêve et sans merci. Or, par une belle nuit d'été, je veillais tout près du lit de la duchesse, alors en proie aux tourments d'une fièvre cruelle. J'allais succomber à la fatigue, et les gémissements de la malade n'arrivaient plus que confusément à mon oreille, lorsqu'un bruit soudain me rappela à moi-même. Je levai la tête. Un homme, le prince Jean, était devant moi. La magnificence du ciel, me dit-il en riant, lui avait inspiré le violent désir d'une promenade nocturne, et ayant trouvé tout le monde endormi au palais, il venait me proposer une excursion sous les oliviers de Damariona, à moins que je ne préférasse traverser la forêt de Xanthe et l'accompagner à Kinidar, sa résidence d'été. Je feignis, toute tremblante que j'étais, de ne voir qu'un jeu dans cette insolente proposition, et d'un ton froidement sévère, je l'invitai, au nom de sa mère souffrante, à se retirer chez lui. Il n'en fit rien, et voulut m'entretenir de son amour. Alors mon indignation éclata en paroles amères. Je lui reprochai l'indignité de ses poursuites, et le menaçai de ne plus m'en tenir désormais à des refus stériles, mais de l'accabler publiquement de mon mépris. Une ironie mêlée de colère se peignit sur les traits de Jean, et il m'annonça avec un calme moqueur que ses mesures étaient prises, et qu'il avait un moyen sûr de triompher de ma résistance et de ma haine. En même temps, sa main comprima durement mon bras, et il m'entraîna vers la porte. Je poussai un cri. La duchesse se réveilla. « Oh, mon père, cet horrible tableau est encore là, devant ma pensée. » Elle s'était dressée sur son lit, blanche comme une morte, les cheveux épars, les mains jetées vers nous, le délire dans le langage et la fièvre dans les yeux. Elle cherchait à comprendre cette scène, mais son oreille inintelligente n'était frappée que de son plaintif qui évoquait dans son âme tous les fantômes d'une terreur mortelle. Cependant, son amitié pour moi l'éclaira. Elle devina qu'on me menaçait. Elle voulut descendre de son lit et marcher, mais sa faiblesse la trahit. Je l'entendis pleurer. En ce moment, Jacques entra. « Vous faites violence à une fille noble et vous outragez ma mère, » dit-il en saisissant à son tour le bras de Jean Crispeau. « Sortez, ou demain le duc François, notre père, apprendra de quelle noble façon vous portez le nom le plus glorieux de l'archipel. » La foudre n'eut pas produit d'effet plus rapide que cette apparition de Jacques. En moins d'une minute, sa voix eut dissipé ce rêve affreux, et je me trouvai seul vis-à-vis de lui. J'embrassai ses genoux en le remerciant. Alors il me quitta, me recommanda sa mère, et me supplia de pardonner à son frère en oubliant cette fatale nuit. Je devais pourtant en garder un cruel souvenir. C'est le jour suivant, que se manifestèrent chez la duchesse les premiers symptômes de ce mal inquiet, de cette sombre langueur qui depuis l'ont tenu éloigné de la cour. Ainsi donc, à mes yeux, Jean est déjà l'assassin de sa mère. Puis-je mieux la venger qu'en cherchant à sauver d'une mort certaine son bien-aimé fils Jacques, le seul qui soit resté son enfant? Pierre écoutait sa fille avec une avide curiosité. Elle continua. « Enfin, il faut que je vous fasse un aveu qui doublera mon courage. À dater de ce jour, Jacques est venu bien plus souvent visiter sa mère, et ses fréquentes entrevues m'ont appris à le juger. Oh, si vous saviez, mon père, c'est l'âme la plus généreuse, c'est le cœur le plus pur et le plus dévoué. Chaque jour m'a révélé une face nouvelle de ce caractère plein de tendresse, et pourtant empreint d'une noble fierté. Aussi ma haine contre le prince Jean s'est-elle accrue de tout ce que j'ai d'amitié pour la duchesse et d'admiration pour Jacques. Il s'est établi entre lui et moi une sympathie muette que nul n'a soupçonnée, pas même vous, mon père, et cette sympathie, je la trahirais. Aujourd'hui, qu'il est en péril, j'hésiterai à m'acquitter de ma dette envers lui. Non, mon père, non. Et tout aussi bien que vous, j'ai le droit de dire « Je sauverai Jacques ou je mourrai. » « Bien, ma fille. Mais que dirais-tu maintenant si je complétais ton aveu en lui rendant son sens véritable? Si je te signalais un danger inconnu, un abîme vers lequel tu marches, les yeux fermés? Si je te disais que dans cette confidence désintéressée, j'ai découvert un secret d'où dépendent mon repos et le tien? » « Quel secret ? » fit Diane, avec un embarras qui se révéla par l'émotion de sa voix. « Celui de ton amour pour le duc Jacques, » répondit froidement Pierre. Quelques mots vinrent mourir sous les lèvres de Diane. Urséolo reprit avec douceur. « Je ne te condamne pas, Diane, mais il est de mon devoir de défendre ton cœur contre les séductions d'un rêve impossible. Dieu a permis que je l'eusse dans ton âme. Il me reste à te plaindre et à te sauver de toi-même. » « Songeons d'abord à lui !» s'écria Diane en se jetant au cou de son père. « Assurons son repos. Quant à moi, j'y saurai pourvoir en fuyant ce pays. Je retournerai à Venise. Je t'y suivrai. Mais je ne trompe pas. Un homme vient d'entrer dans la tour. » « C'est Jacques. Jacques lui-même !» dit Diane avec un cri sourd et étouffé. Et tous deux recommencèrent à observer cette scène, muet de saisissement. L'âme livrée à toutes les tortures de l'effroi. À chaque instant, il croyait voir briller l'éclair d'un poignard et tomber le cadavre de Jacques. Il s'épuisait à vouloir interpréter cette silencieuse fantasmagorie des ombres qui passait et repassait derrière les tentures baissées. Alors, un des convives prit un flambeau et fit un mouvement vers la porte. Bientôt, la direction de la lumière indiqua qu'il se rendait dans la galerie. « On vient !» dit Urséolo. « Retirons-nous vite !» et chacun de notre côté cherchant un moyen d'avertir Jacques. « Retourne chez la duchesse, moi je rentre dans mon laboratoire. »« Adieu, mon père. Dès que le soleil se lèvera, je viendrai vous demander ce que votre sagesse aura résolu, et je vous dirai en même temps ce que Dieu m'aura conseillé. » Le vieux médecin s'éloigna promptement. Diane souleva une tapisserie qui masquait une petite porte et disparut. Elle descendit avec précaution, retenant son haleine et étouffant, par la lenteur mesurée de sa marche, jusqu'au bruit de ses pas. Mais arrivée au bas de l'escalier, elle trouva fermée la grille qui, une heure auparavant, lui avait livré passage. Elle remonta, et s'arrêtant derrière la tapisserie, elle aperçut, à travers les interstices de l'étoffe grossièrement tissue, à la lueur pâle du flambeau qu'il portait à la main, le prince Jean Crispo, sur le visage duquel les flétrissures de l'orgie semblaient avoir imprimé des sillons sanglants. « Oui, » murmura-t-il en laissant échapper de ses lèvres la pensée qui l'occupait tout entier. « Oui, il vaut mieux que cela soit ainsi. Je voulais d'abord attendre à demain, mais Jacques lui-même vient s'offrir à ma haine. Tarder serait folie. Qu'il meure, et demain, quand Marc et Guillaume se réveilleront de leur ivresse, eux qui parlent et n'agissent pas, ils seront bien forcés d'avouer que dans le conseil comme dans l'action, leur frère Jean est encore leur maître à tous deux. » Diane entendit mot à mot ce monologue et redoubla d'attention. Jean parut encore réfléchir un instant. Puis, après avoir jeté un coup d'œil sur la tour où Marc et Guillaume continuaient à souper en compagnie du duc de Naxe, il alla droit à une encoignure entièrement occupée par un tableau de l'école vénitienne représentant Pierre de Courtenay au moment où il recevait la couronne impériale de la main du pape Honorius. Il introduisit une clé dans un des coins inférieurs de l'encadrement et le panneau roula de droite à gauche. Puis, avançant la tête, il appela deux fois, d'une voix sourde, « Lionello ! Lionello !» Lionello parut. C'était un homme grand, vigoureux, et dont la tournure n'était pas sans élégance. Mais un examen plus attentif eût fait découvrir sur sa figure le caractère de l'audace sans intelligence, dans son sourire un mélange repoussant de niaiserie et de cruauté. Cette force brutale n'était qu'un masque. Derrière, il y avait le cœur le plus lâche et le plus accessible à toutes les terreurs. Lionello était un des gardiens du château de Palion-Horos, ancienne place forte, située à deux lieues du port des Potamides et qui alors servait de prison d'État. « Nous voici, monseigneur. »« Bien, tes cypriotes sont avec toi ?»« Oui, monseigneur. »« Combien sont-ils ?»« 5. »« C'est assez. »« Maintenant, prépare-toi à m'obéir. »« Appelle tes hommes et accompagne-moi chez Pierre Urseolo, le médecin favori du feu duc mon père. » À ces derniers mots, un effroyable pressentiment s'empara de Diane. Elle souleva la tapisserie, et suivant des pas et de l'œil Jean et ses acolytes, elle s'engagea derrière eux, dans le long corridor qui menait à l'officine d'Urseolo. Au moment de frapper à la porte d'Urseolo, Jean se tourna vers Lionello. « Que jamais personne au monde ne sache ce qui se sera passé ce soir ici. Tabby m'en répond. » Et en même temps, il heurta du revers de sa main la serrure, qui rendit un son argentin et prolongé. La porte s'ouvrit. Pierre ne put retenir une exclamation à l'aspect de ses visiteurs mystérieux. Lionello prit soin de tout refermer, et Diane se vit entourée de nouveau d'une complète obscurité. Son cœur battait à coups pressés, et une sueur de glace inondait son front. Elle colla son oreille à la porte, et surmontant la violence de ses émotions, elle écouta. « Vous étiez tout dévoué à mon père, » dit le prince Jean d'une voix douce, « et je pensais que si son fils venait réclamer le secours de vos lumières et de votre art, il trouverait dans sa démarche le prix de sa confiance en reconnaissant en vous un bon et fidèle serviteur. Le souvenir de François Crispo est tout-puissant sur mon âme, monseigneur. Parlez donc. Bras et pensées, actions et conseils, je mets tout à vos pieds. Disposez de moi. Cette soumission me touche, et je saurai la reconnaître. Pierre Urseolo, ce que vous allez entendre est le témoignage le plus éclatant de l'estime que nous faisons de vous. Il s'agit d'un secret d'État auquel nous voulons vous initier. Nous avons une trop haute opinion de votre esprit pour craindre que vous cédiez à des scrupules hors de saison. Vous êtes homme politique, le duc François le disait souvent. L'âge a sans doute augmenté en vous cette sagacité prudente qui caractérisait jadis vos moindres actes. Mais vous devez comprendre qu'il est des hardiesses nécessaires. Il existe un axe, un homme dangereux, qui a encouru notre haine. Cet homme peut compromettre le repos de tout le duché, et un exil serait insuffisant. Il faut qu'il disparaisse, il faut qu'il meure, et que sa mort, toute subite qu'elle soit, puisse être acceptée comme l'effet du hasard. Ai-je besoin, maître Urseolo, d'en dire davantage? Et ne devinez-vous pas ce que j'exige de la science redoutable, du plus docte médecin de l'archipel? Mais, monseigneur, fit Urseolo avec une apparente tranquillité, cet homme, dont vous ne me dites pas le nom, a sans nul doute commis quelques grands crimes. Eh bien, pourquoi employer des moyens dont le secret se trahirait tôt ou tard? S'il est coupable, la loi ne peut l'atteindre, et en vous adressant à votre frère, le duc régnant, au prince Jacques. Je ne vous demande pas votre avis, il me semble, maître Urseolo. Pas plus que vous ne demandez à Jacques le sien, n'est-ce pas, monseigneur? Malheureux, cette parole te coûtera cher, tu sais donc tout, monseigneur. Et comme vous avez invoqué tout à l'heure le souvenir sacré du duc François, c'est en son nom que je repousse la hideuse complicité d'un fratricide qui attirera sur ce pays la malédiction de Dieu. Crois-tu, misérable insensé, reprit Jean qui ne put contenir sa fureur, crois-tu nous échapper ainsi? Quoi donc? Après avoir reçu notre confession, tu nous renverras en nous lançant l'anathème et tout sera dit. Détrompe-toi, vieillard, tu te perds sans sauver Jacques. un autre sera moins scrupuleux que toi. Et dans une heure, le fer nous aura délivrés de lui. Quant à ton silence, la prison nous le garantira. Et plus tard, peut-être, la mort. » Diane faillit se trahir par un cri. Elle l'étouffa dans sa poitrine. « Vous êtes le maître de ma vie, » dit Urséolo avec une lente gravité. « Prenez-la, je vous l'abandonne. La cause de Jacques est assez sainte pour avoir ses martyrs. Ordonnez de mon sort. Mais prenez garde, mon seigneur, prenez garde. La justice de Dieu veille sans cesse, et elle frappe vite, quelquefois. Trêve à ces folles menaces. Ma justice à moi passe avant celle de Dieu. Allons, Lionello, fais ton devoir. » En un instant, Pierre Urséolo fut chargé de fer, et on se disposa à l'emmener. La porte tourna lentement sur ses gonds. Les torches flamboyèrent une seconde fois sous la voûte, et une sourde malédiction échappée des lèvres de Jean en fit retentir lugubrement l'écho. Diane, qui respirait à peine, Diane, qui succombait à sa douleur, se traîna derrière un pilier d'où elle vit passer le fatal cortège. Lionello marchait en tête, l'épée nue à la main. Pierre paraissait calme, et sa démarche, ferme et mesurée, était celle de l'innocent qu'un arrêt envoie à la mort. Jean Crispo venait ensuite, pâle et la colère dans le regard. On arriva ainsi, sans rompre le silence, au milieu de la galerie. Là, Jean fit un signe au cypriote et le prenant à part. « Lionello, » lui dit-il tout bas, « tu réponds de ce prisonnier sur ta tête. Jamais les tours de Paléoros n'en ont logé de plus redoutable. Qu'il ne voit de créature humaine que toi, qu'il ne respire d'air que celui qui pénètre à grand-peine par les fentes de ton plus noir cachot. Va !» La troupe de Lionello traversa la cour et eut bientôt franchi avec son prisonnier la grille principale du château. Jean, qui s'était accoudé pour les regarder partir, laissa peu à peu sa pensée s'égarer en de vagues méditations. Les fumées de son ambition s'envolaient au souffle imprévu d'inquiétudes étranges. La fermeté d'Urséolo l'avait frappé de découragement. « Que faire ? » pensait-il. « Et à qui me fier maintenant ?» Il jeta sur la chambre vide d'Urséolo un regard désespéré, comme on reporte son esprit vers une espérance perdue. C'était là, en effet, c'était dans cette chambre que son sort venait de se décider. Un aveugle instinct l'y amena. La lampe allait mourir. Il parvint à en ranimer la flamme. Alors, il contempla, avec une sorte d'effroi, cette salle toute pleine de secrets inintelligibles, ces armoires qui pliaient sous des trésors inconnus, ce sanctuaire imposant de la science auquel il venait d'enlever son prêtre, seul capable d'en expliquer le mystère. Il se reprocha d'avoir éloigné trop vite Urséolo, dont la résolution, après avoir résisté à la ruse et aux menaces, eût cédé peut-être à la prière et à la torture. Cet isolement lui révélait sa faiblesse. Pourtant, à la vue de cette rangée formidable de fioles et de vases, qui semblait défier ses désirs et railler son impuissance, sa volonté se révolta. Une de ces fioles, un de ces vases, contenait le breuvage dont il avait besoin. Il se mit à fureter partout, à placer et à déplacer les flacons, à respirer leur arôme, à déchiffrer les étiquettes, poursuivant un fol espoir, croyant trouver à chaque instant le mot de l'impénétrable énigme, et interrogeant avec une violence acharnée cette science rebelle qui restait sourde à ses prières, ou qui lui répondait dans une langue à laquelle il ne comprenait rien. Pendant ce temps, Diane l'observait, épiait ses mouvements, devinait ses angoisses. Comme toutes les femmes d'un noble cœur, elle sentait son énergie se tremper à la flamme de tant de cruelles émotions. L'approche du danger faisait de la faible enfant une mâle et courageuse héroïne. D'abord, elle avait voulu se jeter entre son père et Jean pour implorer la miséricorde de ce dernier. Mais elle avait compris que des larmes n'éteignent pas de tels incendies. Cependant, il fallait sauver Jacques, sauver son père. Encore, si elle avait pu attendre le jour, elle eût trouvé sans doute un moyen d'instruire le duc et de paralyser ainsi l'effet du complot. Mais non, le crime était imminent. Un signe, peut-être, et l'assassin allait obéir et le glaive allait frapper. Jacques était assis au milieu de ses meurtriers, tranquille, sans défiance, loin de toute communication. Elle ne pouvait l'avertir ni par sa présence, ni par ses cris, car on ne la laisserait point pénétrer jusqu'à lui, et ses cris mourraient dans les lambris de marbre de la galerie avant d'arriver à la salle du festin. Tout à coup, il lui vint une inspiration d'en haut. Dans l'impuissance d'empêcher le crime, elle eut l'idée d'en prendre la responsabilité. Ce rôle, d'une difficulté étrange, ne l'effraya point. Au lieu de laisser aux mains de Jean le fil de cette trame odieuse, elle entreprit de le diriger elle-même. Sans lui ôter le besoin de chercher un complice, elle résolut de s'offrir. C'était, on le voit, un projet gigantesque et d'une exécution périlleuse. Médiane l'envisagea sans trembler, car elle crut sincèrement qu'il lui était suggéré par le souffle de Dieu. Jean avait suspendu ses recherches. Il renonçait à une tentative insensée et se disposait à quitter le laboratoire d'Urséolo. Mais, avant de se retirer, sa rage s'exhala en plaintes et en imprécations. « Le ciel et l'enfer sont ligués contre moi, » s'écria-t-il. « Mais Jacques ne mourra pas moins. Nous suivrons la vie de Guillaume. Le poignard de Bugre remplacera cette nuit même le poison qu'Urséolo me refuse. » Pourtant le poison eut laissé moins de traces. Oh, malédiction! Pas un rayon ne viendra donc percer ces ténèbres. Pas une voix ne glissera à mon oreille le mot magique qui sert de guide dans ce labyrinthe obscur. Oh, qui donc me dira ce mot précieux? Je puis vous le dire, moi? Jean se retourna, vit Diane immobile derrière lui, et recula comme frappé de l'apparition d'un fantôme. Vous, ici, Diane? Dit-il en fixant sur elle un regard étonné. Quel intérêt vous amène? Qu'espérez-vous? J'espère, monseigneur, que vous ne tuerez pas une femme que vous avez aimée. Vous le pourriez, cependant. Vous êtes puissant et fort, et je ne suis qu'une pauvre fille qui pleure à vos genoux. Rien ne vous empêchera de punir du même coup l'orgueilleuse qui a dédaigné votre amour et l'imprudente qui a surpris vos secrets. Mais vous ne le ferez pas. Vous m'écouterez, et j'obtiendrai la grâce de mon père. J'en doute, car je ne l'accorderai qu'à une seule condition, que lui seul peut remplir. Je la devine, cette condition, et je la remplirai moi-même. Ce poison qu'il vous a refusé, je vous le donnerai moi. Élevé dès l'enfance auprès de lui, j'étais témoin de tous ses travaux. Je sais où il place les simples qui guérissent et les acides qui tuent. Récompensez-moi dignement, monseigneur, et Jacques mourra. Un sentiment d'incrédulité mit d'abord Jean en garde contre une proposition aussi subite. « Dois-je vous croire ? » murmura-t-il, en cherchant à pénétrer du regard la pensée intime de Diane. « Et vos offres sont-elles bien sincères ? Est-ce bien vous qui me rendez l'espoir ? Vous qui venez donner la vie à tous ces fantômes d'ambition, de puissance et de grandeur, qui semblaient fuir devant moi ? Avez-vous donc oublié votre haine ? Ou plutôt, cette haine n'a-t-elle jamais été qu'un rêve de mon imagination ?» Diane comprit la nécessité de détruire par une feinte soutenue les dernières défiances de Jean, et de le convaincre entièrement de sa sincérité. Ses doutes étaient déjà entièrement ébranlés par la perspective d'un triomphe, où l'intérêt de sa cupidité allait se trouver satisfait. Elle essaya de les dissiper en attaquant par un aveu mensonger la faiblesse de son amour-propre et la crédulité de son orgueil. « Vous n'avez jamais connu mon cœur, » répondit-elle lentement. Vous avez supposé une haine qui n'existait pas. Dans ce moment encore, vous vous abusez sur le motif qui me fait agir. L'âme est un livre mystérieux, où vous ne lisez pas encore distinctement, monseigneur. Pendant cet entretien, le jour avait commencé à poindre et éclairait d'un pâle rayon le visage de Diane Urséolo. Jamais elle n'avait été si belle. Ses yeux brillaient aux clartés de l'aube comme deux perles humides, et sur son visage, dont la blancheur était encore relevée par la capeline noire qu'elle portait au front, respirait l'émotion déchirante qui bouleversait son âme. Alors le passé ressuscita comme par enchantement dans la mémoire de Jean. C'était un amour que des années avaient endormi. Une minute venait de le réveiller. Rapide comme l'éclair, sa pensée conçut un plan où les intérêts de cet amour et ceux de sa politique se trouvaient savamment combinés. Ce moyen seul lui parut de venir maintenir son repos et garantir son impunité. « Diane, » dit-il après un long silence, « que vous ne soyez envoyé par l'enfer ou par le ciel, je m'abandonne à vous. Mais ceci n'est pas un jeu. Ma vie, ma puissance, ma sûreté, tout est là. Je ne puis exposer tout cela légèrement. Diane, empêchons qu'un souffle ennemi ne renverse plus tard ce frêle échafaudage. Nos mains se joignent pour commettre un crime. Il faut que nos mains restent jointes. Nous courons ensemble les chances de l'œuvre impie. Nous en partagerons les bénéfices. Il y aura entre nous une fraternité impossible à rompre. Deux complices ne se séparent plus. Un froid mortel circula dans les veines de Diane. « Il ne faut pas, » continua Jean, « qu'après cette nuit où nous signons ce pacte, qui est peut-être la damnation de nos âmes, l'un de nous puisse impunément charger de sa part de remords la conscience de l'autre et lui dire « C'est toi ». Écoutez, Diane, vous savez si je vous ai aimé, si j'ai souffert de vos mépris, eh bien, que ces souvenirs fuient sans retour, que toute rancune s'efface. Soyons forts par l'union. Dites-moi, Diane, dites-moi s'il me sera permis de mettre aujourd'hui à vos pieds un amour si longtemps dédaigné. » Pas plus aujourd'hui qu'hier, reprit Diane d'un ton hautain. La fille de Pierre Urséolo, en se rendant votre complice, n'a pas entendu abjurer sa dignité de femme et faire aussi bon marché de son honneur. Elle a repoussé jadis la honte que lui valut le titre de maîtresse du prince Jean. Elle la repousse de même aujourd'hui. Je consens à vous servir, mais je me réserve le droit de dicter mes conditions. « Que voulez-vous dire ? » répliqua Jean avec surprise. « Ce que je veux, c'est une part de cette puissance et de cette grandeur que je vous donne. Je veux que le prix soit proportionné au service. Je veux être duchesse de Nax, et en cette qualité, aller moi-même ouvrir à mon père les verrous du cachot de Paléon-Horos. » Ces paroles, prononcées avec l'accent de la vérité, achevèrent de persuader Jean Crispeau. Jusqu'alors, Diane n'était pour lui qu'une enfant désespérée qui voulait à tout prix racheter la vie de son père. Maintenant, c'était une femme orgueilleuse qui échangeait une moitié de crime contre la moitié d'un trône. Guidé par la perversité de ses propres instincts, Jean comprit mieux ce motif que le premier et pensa que cette lueur avait trahi le vrai fond de la pensée de Diane. Alors, tous ses doutes s'évanouirent et, croyant de son intérêt même de lui laisser nourrir une espérance qu'il se garderait bien de réaliser. « Mes paroles sont-elles donc si obscures ? » fit-il en jouant l'étonnement. « Que vous ne les avez pas comprises ? Le sceptre de l'archipel vous revient de droit. Vous l'offrir en échange de votre dévouement, voilà quelle était ma pensée. Diane, » continua-t-il en entourant de son bras la taille de la jeune fille, « vous m'aimez donc un peu ?» Elle rassembla toutes ses forces et répondit d'une voix ferme « Je vous aime, monseigneur. » Jean déposa sur sa chevelure un long baiser. Elle n'avait point prévu ce supplice. Elle s'y résigna et refoula ses dégoûts dans son cœur. Mais, se dégageant de ses bras, elle se précipita vers l'armoire où se trouvaient étagées de nombreuses fioles. Après un examen minutieux, elle en choisit une entre toutes les autres et la présenta au duc. « Prenez, » lui dit-elle. Et si une main hardie verse cette nuit dans le verre de Jacques le contenu de ce flacon, je jure qu'au lever du soleil, les cloches de la cathédrale de Nax sonneront le glas de ses funérailles. » Jean saisit la fiole avec un transport de joie qu'il réprima aussitôt. « Merci, Diane. Et maintenant, » dit-il en lui offrant la main, « permettez que je vous reconduise chez la duchesse ma mère. » Ils traversèrent silencieusement la galerie, un adieu s'échangea, et la porte de l'appartement de la duchesse se ferma sur Diane. Il était temps qu'elle fût seule. Cette dissimulation l'avait soumise à une trop rude épreuve. Elle tomba de genoux et d'une voix entrecoupée par les sanglots. « Oh, n'est-ce pas » s'écria-t-elle, « n'est-ce pas, mon Dieu, que ce mensonge est de ceux que vous pardonnerez ?» Mais Jean, au moment d'aller rejoindre ses frères, fut retardé par un dernier scrupule. Son esprit soupçonneux ne pouvait même croire à la loyauté dans le crime. Sans s'arrêter précisément à l'idée d'une trahison, il ne fut cependant pas tellement aveuglé qu'il ne conserva quelque défiance d'un dévouement aussi imprévu. D'ailleurs, il considérait un complice comme un ennemi dont il fallait toujours se garder. Et puis, Diane était femme. Il eut peur. Qui sait ? D'une indiscrétion, d'un remords, peut-être. « Je veux m'assurer de la fille, » pensa-t-il, « comme je me suis assuré du père. » En ce moment, Lionel le rentra. « Pierre est au secret ?» demanda le prince. « Je l'ai placé selon vos ordres, monseigneur, dans un lieu où il n'a de place que pour s'asseoir, d'air que juste ce qu'il faut pour ne pas mourir. »« C'est bien. Tu vois cette porte ?»« Oui, monseigneur. C'est la seule qui communique à l'appartement de la duchesse mère. Diane Urséolo vient d'y entrer. Tu vas conduire ici deux de tes hommes d'armes, et pour plus de sûreté, tu demeureras avec eux. »« Lionello, écoute bien l'ordre que je te donne. Cette porte ne doit s'ouvrir pour qui que ce soit, et sur votre avis à tous trois, vous empêcherez Diane d'en passer le seuil. »« Comptez sur ma vigilance, » dit Lionello. « Grâce à moi et à mes soldats, cette chambre sera une prison aussi sûre que celle de Palaioros. » Tranquillisé de ce côté, Jean courut à la tour, cachant la fiole sous les plis de son pourpoint. Le repas n'était pas encore terminé, et Jacques causait gaiement avec ses frères. Bugues changea les coupes pour les remplir d'un vieux vin de la Tiota. Mais Jean lui prit l'amphore des mains en lui disant quelques mots à l'oreille. Bugues s'éloigna sans répondre. « Je veux, dit Jean lorsque Bugues fut parti, vous faire les honneurs de ce vin généreux que le comte de Provence a jadis envoyé au duc notre père. Permettez-moi de vous l'offrir et de vous le verser moi-même. » Il fit lentement le tour de la table et servit Jacques le dernier, puis agitant et élevant sa coupe. « À la prospérité de l'archipel, s'écria-t-il, et au bon succès de l'expédition de Pierre Lorédan. » Cependant, Diane, en proie à de vives inquiétudes, était tourmentée du désir de retourner dans la galerie pour épier les actions de Jean. Elle voulut sortir, mais deux pertuisanes se croisèrent devant elle. Elle comprit qu'elle était prisonnière et se sentit enveloppée dans un frisson glacial. Jacques était perdu. Jamais du reste, surveillance n'avait été mieux organisée. Les sentinelles gardaient la porte. Lionello veillait sur les sentinelles et Bugues, tapis dans un coin, sans mouvement, l'œil fixe, espionnait à la fois les sentinelles et Lionello.